crayon garde une trace de sang. Chaque étagère un écho tremblant. Mais s'il avance, le souffle court, son chant rock brûle l'amour. Le saloon dort, mais sa voix réveille. Chaque bouteille résonne, chaque oreille. Un vieux cowboy debout dans la nuit. Rider's Kill chante son infini. Il chante encore, il chante longtemps. Et quand le soleil viendra demain, sa voix flottera dans le matin. Whiskey and dust on this endless road.